pile 14h, 4 minutes sur la FM tout en couleur. Eh bien oui, le grand retour de votre émission Groove Tropical. Je suis ravie de vous retrouver. Ça a été long quand même, hein. C'est 2 mois de confinement. J'espère que vous vous portez tous très très bien, toujours fidèles donc au 96.2 pour un maximum de très bons sons qui nous viennent de la Caraïbe, du 100% soleil. Allez, rien que pour vous, plein de nouveautés, dont celle-ci justement, avec monsieur Don... Eh ben c'est Patrick André. Allez, très très bon après-midi en ma compagnie. Chantal avec vous jusqu'à 16h30, votre émission Groove Tropical. Thank you. Fier puis sans alimentation. Déboussolé, déboussolé, déboussolé,

voilà la chose. Qu'à mander moins pour qui en cas sourire. Musique en nous cache à l'air et la vie. Dengue, dengue, dengue, dengue, danga, danga, de. C'est oui. Des Barieux avec monsieur le grand monsieur Montano avec ce titre Danser sur le 96.2, votre émission groupe tropical. Allez, on continue avec une autre nouveauté. Décidément, je vais pas y arriver, j'ai du mal à me lancer. Il faut presque 2 mois pour me remettre sur la touche. Waouh! Yeah. Combinación no apta para cardíacos. Reunión gerencial. Arc-en-ciel, 96.2. La FM. La FM en couleur. Qu'il était pas mal, il a voulu me faire danser. Oh non, je l'ai rencontré, il était sûr de lui, il m'a charmé. Oh non, il m'a dit tellement de choses que j'avais envie de le croquer. Après, on parlera de sentiments. Posé comme jamais avec des basses pensées. Sexy interdit au moins 18 ans. Et le mec a fait trop de cinéma. À peine touché qu'il était dans tous ses états. Homme fatal avec. Find me, tell me they inna the party. You have to find me, have to find me, girl, have to find me. Tell me they inna the party. You have to find me, they inna the party. You have to find me. Tell me they with me dogs. You have to find me, have to find me, girl. You have to find me. Girl, I want inna the blood clot town. We not fear nobody inna the blood clot town. Bagger girl inna the blood clot town. We not fear nobody inna the blood clot. See the ghetto style, m'oblige vini pro back shot. Dirty mouth, he got that king and pull stop that. No more bagger time, ça m'oblige à bon back shot. So bien savez, bad girl power for long tag. Them say, wine for anything, them dead. Done him, empire play them dead. We are running, a papu are them dead. You got to tell your business, you for no crew, them say. We no play, magazine full, we no care. Oh.

l'univers peut s'arrêter de tourner. Mais je n'aimerais que toi. J'aurais beau te chasser de mes pensées. Sensation dans tes mains qui conjugue l'amour, l'amour pour vous à la fin. Parce que baby, moi, love, moi, love, love, moi, love. Moi, y'en vire, y'en sa qui dans chez moi. Baby, moi, caché le café, pat, pat, pat. Moi, y'en vire, y'en sa qui dans chez moi. Ce soleil, la vie, moi, moi, peut pas vivre sans vous. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Gonçalves pour s'arriver, innocent va payer. Premier prépare la caille, pas vle dit nous fin bataille. Oh, tirez pas nous sous dos nous, c'est nous pour sauver trip nous, pouillons croire, pouillons dernière fois. Est-ce que nous mobilisons pour avenir nous protéger? Est-ce que nous pas l'engager pour innocent pas payer? Bien prépare la caille, pas vle dit nous fin bataille. Oh, bouillon froid, bouillon froid, bouillon dernière fois. Mas, compa, peuple à ma décompte. Jou manger l'autre la sans collation. Nous fais-toi faire prudence. Notre cerveau gaspillé, mais ça pas faire sens. Tout ça qui est compétence. C'est ça. Moral à intelligence. C'est ça. On nous pas agir avec émotion. De bonnes intentions. Si nous, si nous pas fait balance, l'évident pas cause yon go événement. Ça qui coupable à qui innocent. Ben par ici nous y est, et nous la pour longtemps. Tout ça qui est compétence. Attention. Vérité va cacher. Fais plein de compte. Chaque jeudi, entre 14h et 16h30, le meilleur du son de la Caraïbe. We'll be right back. pas comparer. Moi et puis on l'a déjà rematché. Est-ce qu'on a senti chaler à gamonter? Je veux remonter. l'essentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Mayana, take control. Universe in control. Guyana, Mayana, we are control. You heard our voice. Guyana, Mayana, take control. Universe in control. Guyana, Mayana, we are control. Je veux juste danser. Mettre les soucis de côté, claquer des billets, se laisser aller. Je veux juste danser. La musique est validée, sans danser c'est ça l'idée. Juste se balader. Mayana ting ting a son de tingo. Parafaille ou a gal moto, il y a top. Ton travail pour ton cash, tout ça. Mayana, Mayana collabo. Là on est sur un autre niveau. Pour tous les frères dans le bendo. Il va tourner dans tous les réseaux. Wow. Je veux juste danser. Mettre les soucis de côté, claquer des billets, se laisser aller. Je veux juste danser. La musique est validée, sans verser c'est salivé. Juste c'est balé. Si vous faites exister, ça vous visez mon émotion. je ne sais même pas qu'on se dit. Hey, you get problem. Fat bale. Ça coûte ton bain, on chasse pays. Fat bale. Malgré pas que la vie. La chambre à Castille. Vous la passez sous Fabla. Problème au fin public. Chaque jour, mon affectif sans justice. Oh, ça fait triste. Personne pas qu'à faire business. Moun pas à l'abri d'un pays. Prison chargée. Il est là, va jouer. Oh, si moun pas qu'à aller il y a sans contrôle, il s'en fout de faire. La vie pas y'a un jouet. D'un prix, puis gagne nous prendre trop tard. L'autre pose. Adieu, frère. Yeah.

t'en aller, si tu veux t'en aller. Si existe un criminal soy yo, y me acuso de romper la regla, de no esperar en el sillón, de caminar siendo mi dueña. Si quiero andar hoy sin pijama, no es porque nadie lo ha pedido, si en la calle o en la almohada, soy yo quien al final decide. Solo si te dejo y llegar a desnudarme si yo digo quiero. Soy mía, mía, no tengo dueño porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Si no me acuerdo qué pasó, señalan con mil adjetivos, pues me entregaron el guión y no saben que soy quien lo escribo. Yo no nací para ser princesa, al menos en el cuento mío. Prefiero hacerme la promesa de hacer mi ruta en el camino. Tú podrías conquistarme solo si te dejo. Y llegar a desnudarme si yo digo quiero. Soy mía, mía, no tengo dueño porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Handle it, damn only freaky bad girl fella show. C'est pas possible, ah. On slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. On slow motion, baby ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Kito, kito, kito, kito, la ta colibé. Viens, je te love, parti très loin, maintenant prendre soin. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Cheveux bouclés laissés dans le vent, douce parfum qui se repart. Ça me rend toute la vie là, je te tiens toute la vie là. Laisse-moi. approché, oh, hey. De toucher, oh, hey. De sentir, oh, oh. C'est ça mon projet, oh, hey. Un bisou, oh, oh. Câlin, oh, hey. Faut pas refuser, maman. C'est ça mon projet, oh, hey. Quito, quito, quito, vende. Hasta con liberto. Côté non trouvé, un petit côté qui caché. Civilisation pas manier, c'est vous seul qui m'aimez. La peau mon pas qu'à trouver, pour moi je préfère découvrir. En qui j'en la vie peut s'y créer, on l'a. Qu'on point n'a pas vu, et non que quoi nous carrément. Oula, oula, oula, oula. Your love. Mademoiselle, tu es fraîche. Pourtant, je la fais en freine. J'avoue que si je t'aborde, c'est pas pour une histoire de pêche. Je te parle la vie de ma mère, y'a pas de mytho, voilà, je suis franc. Il faut mais une histoire d'amour d'aller loin avec quelques péchés. Mais chérie, qu'est-ce que tu m'as fait là? On a claqué mon doigt, je peux être pour toi, oh là là. Mais qui aurait pensé? À la base, ma chérie, je voulais juste m'ambiancer. ti motel, ti fom kan el bel y rontel. Mwen pa te kat tou ne gate geye, si se pa te an bel negres. Si ou pa te ni koule le ben, si ou pa te ni douce miye. Ou pa touche ou pa trape, ti gason an ze fi fia. Bébé, faut changer, oui là. C'est vrai tu l'as rêvé. Bébé, tu ne veux pas les manger. Bébé, c'est vrai tu l'as rêvé. Bébé, tu ne peux pas les manger. La la la la la la la la la. Faut quitter mon virtuel, vivre dans le réel. C'est mon vie, tu es vif dans le réel. Pour t'aimer ou partir, si je le savais, si je le pouvais. Oui. Attention, attention. Respire. Bye. No. Groove Tropical, chaque jeudi, 14h, 16h30, le meilleur du son de la Caraïbe. Sur le 96.2, merci de votre fidélité au plus grand soleil. Je suis tout à toi. Et moi aussi. I want you. Allez, très très bon après-midi en ma compagnie. Je suis tout à toi. C'est Chantal qui vous accompagne. Je veux bien témoigner de ce que tu as fait pour moi. Mais je ne veux pas t'éloigner. Laisse-moi me donner tout à toi. Je vais vivre la noche. Ciel, 96.2. La FM en couleur. Chaque matin que pas capable, mais tout j'en viens pour moi. Mais nous-mêmes, plus belle passer la beauté, la comptable, qu'exposé, ma galité chaque jour, ma dîner, baby. Gen l'autre choix que pour me vivre et puis moi garder moi quand et dans mon soldat paré pour le dire tout quand il n'a pas ou excité c'est ma gen choix que pour me dévoler baby. bien sûr du compas avec Sweet Mitty. C'était un tout dernier album qui était sorti bien en tout début d'année 2020. Et puis pour tous les amoureux de la très bonne musique comme ça, eh bien on va aller faire un petit tour en Amérique latine avec le groupe Grupo Egales. Avec une spéciale dédicace, il y a quelqu'un qui danse sur place. Coucou Nadine, gros bisous. Merci pour ton petit message.

de la Caraïbe Orlan avec une belle reprise, Mon ami la rose. Cet extrait de son tout dernier album Horizon Libre sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. Je vous propose un petit zouk rétro tout de suite avec monsieur Tony Delumo, et pour les fanatiques, eh bien c'est Cupidon, si ça veut y aller. 14h, 16h30, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Ciel. joué en domino. Qui t'a montré aux gens pour voler les os. Ou qu'a joué en bas, ou qu'a joué en haut. Depuis ou team qui sont bibito. La guerre est cette belle asman, col. Souvent li blasé, même où était sous bol. Li gèle gèle de toi, bonjour n'en belle. Li joué pour me remel. Moi m'a fait pour nous combrasser. Moi pas dans bagay, je vais t'associer. Chéri, un jouet pour nous décaler. Passons pas maintenant, passons pas maintenant. Chéri, y'a des un jouet anti-domino. Qui t'a montré aux gens pour voler les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Les buildings qui sont bibito. Un jouet anti-domino. Qui t'a montré aux gens pour voler les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Les buildings qui sont bibito. Gagez en bas ou gagez en haut. Les buildings qui sont bibito. Un jouet anti-domino. Qui t'a montré aux gens pour connaître. Ou gagez en bas ou gagez en haut. Les buildings qui sont bibito. Map, j'irai jouer de bam. J'irai jouer de bam. Moué pap d'accord, petit. Consa. Chérie, année. Tout ça quand tu es au moins. Bam, l'amour. Vale. chanter. Sur la FM tout en couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. J'étais ravie de vous trouver. Merci pour tous vos messages. J'étais un petit peu bousculée à un moment donné, mais ça m'a fait vraiment plaisir. En tout cas, sur le 96.2, je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, avec le même son, la même ambiance, le même soleil. Big bisous à tous. Passez surtout un très très bon week-end. Je crois qu'on va avoir des bonnes nouvelles ce soir, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc, alors soyez prudents quand même. Hein. Je vous embrasse. Big bisous. À bientôt. Bye bye. Yeah. fête là, en bibliothèque si faille, où elle est ça, yon petit tag, yon petit jegi. Soyez attentif, guitariste là, habillé. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée.